Ah, l'antidote la famille. L'antidote la famille. Le Vice Music. Je voulais venir comme un ouragan. Je voulais venir comme un ouragan. Mais j'arriverai sans faire de vagues. L'antidote la famille. J'ai trop de mal à dire je t'aime. Les sentiments c'est rare. L'amour c'est les problèmes. Alors gentiment je m'écarte. Et t'éviteras pas le malheur. Ma sœur en tirant les cartes. Comme tu trouveras pas le bonheur. Ma gueule en niquant des tasses. Tous les matins je me lève. Tous les matins je pense à toi. Et tous les matins je suis malheureux. Mais j'aime pas quand ça se voit. Alors je souris de force. Le temps c'est de faire semblant. Je fais le mec serein pendant que ta mort me bousille le torse. Gros, donne-moi plus de temps. Je te rendrai plus de flemme. Je suis devenu un gros feignant. Le soir dans les rues je traîne. Je voulais sortir un album. Maman, mais je n'ai plus de thème. Merde, ramenez-moi de l'alcool. Je suis pas bien, j'ai plus que de taille. Un jour j'arrêterai le rap pour devenir gros papa poule et me mettre dans le team. Pour l'instant je suis trop à la bourre. Et là je verrai que j'avais beaucoup de faux frères. Si demain je meurs sur un coup de poker, je pense qu'à mon enterrement y aura pas plus de sourire. Te rendrai plus de larmes. Donne-moi une raison de mourir. Je te donnerai plus de balles. Il me faut des encouragements. Je peux le faire quand j'ai le trash. Je voulais venir comme un ouragan. Mais j'arriverai sans faire de vagues. Donne-moi plus de jours. Je te rendrai plus de souvenirs. Donne-moi plus d'amour. Je te donnerai une raison de souffrir. Il faut des encouragements. Je peux le faire quand j'ai le trash. Je voulais venir comme un ouragan. Mais j'arriverai sans faire de vagues. Elle veut que je lui dise je t'aime. Je n'ai ni les couilles ni le temps. Ne me demande pas de vider mon sac si j'ai tout mis dedans. Ils connaissent mes couplets. Ils peuvent pas nier plus que ça. Je vais venir aussi fort que si je devais abîmer une techa. Regarde les croire en moi. C'est les trois quarts que j'appuie. Je suis venu pour tout baiser. La réussite, crois pas que je la fuis. Des fois, je parle de la suite. J'espère qu'elle sera belle. Ma meuf, elle m'appelle mon soleil. Normal qu'elle me voie pas de la nuit. Et puis, les femmes, c'est chiant. Elles font trahir quand je les aime. T'étonne pas que ça parte en sens. Si tu fais les choses dans les règles, c'est pas que j'aime pas l'amour. C'est juste que j'y crois plus. Aimer un combat de boxe, je ne suis qu'un petit poids plume. Je sais que je suis trop fier. Elle m'imagine sans cœur, tant pis. Je lui dis jamais je t'aime. Elle sait pas comme j'en meurs d'envie. Du mal à rester posé, c'est pas ce que je préfère. J'épouserai pas de secrétaire, je veux pas d'une femme avec des dossiers. Donne-moi plus de sourires, te rendrai plus de larmes. Donne-moi une raison de mourir, je te donnerai plus de balles. Il me faut des encouragements, je peux le faire quand j'ai le trash. Je voulais venir comme un ouragan, mais j'arriverai sans faire de vagues. Donne-moi plus de jours, je te rendrai plus de souvenirs. Donne-moi plus d'amour, je te donnerai une raison de souffrir. Il faut des encouragements, je peux le faire quand j'ai le trash. Je voulais venir comme un ouragan, mais j'arriverai sans faire de vagues. L'antidote la famille. Donne-moi plus de sourires, te rendrai plus de larmes. Donne-moi une raison de mourir, je te donnerai plus de balles. Il me faut des encouragements, je peux le faire quand j'ai le trash. Je voulais venir comme un ouragan, mais j'arriverai sans faire de vagues. Donne-moi plus de jours, je te rendrai plus de souvenirs. Donne-moi plus d'amour, je te donnerai une raison de souffrir. Il me faut des encouragements, je peux le faire quand j'ai le trash. Je voulais venir comme un ouragan, mais j'arriverai sans faire de vagues. Donne-moi plus de sourires, te rendrai plus de larmes. Donne-moi une raison de mourir, je te donnerai plus de balles. Il me faut des encouragements, je peux le faire quand j'ai le trash. Je voulais venir comme un ouragan, mais j'arriverai sans faire de vagues. Donne-moi plus de jours, je te rendrai plus de souvenirs. Donne-moi plus d'amour, je te donnerai une raison de souffrir. Il faut des encouragements, je peux le faire quand j'ai le trash. Je voulais venir comme un ouragan, mais j'arriverai sans faire de vagues.